Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Diane et je collectionne les légendes. Récemment, j'ai découvert celles de l'univers de Dipongo. Et vous savez quoi? Elles vont vraiment vous épater. Aujourd'hui, je vais vous parler de la légende du jardin merveilleux. Épuisée d'avoir creusé sans relâche des jours durant, Pénélope la taupe remonta à la surface pour s'accorder une petite pause au soleil. Et là, ce fut le choc. Pas parce qu'elle ne reconnaissait rien. Pénélope n'était pas vraiment une as de l'orientation. Elle avait dû creuser dans la mauvaise direction et se retrouver une fois de plus dans un jardin inconnu. Non, si Pénélope était tout estomaquée, c'est parce que pour la première fois de sa vie de taupe, elle se sentit minuscule. Les brins d'herbe qui l'entouraient étaient démesurément grands. Et au-dessus se découpait un arbre plus impressionnant qu'une montagne. Intriguée, Pénélope explora ce lieu étrange. Plus elle s'enfonçait dans cette forêt d'herbes hautes, plus une désagréable sensation l'envahit, sans qu'elle arrivât à bien comprendre pourquoi. Et après quelques longues minutes à marcher en marmonnant, l'évidence la frappa. Tout était silencieux. Pas un bourdonnement ni un chant d'oiseau. Plus étrange encore, elle n'avait croisé que de l'herbe, mais aucune plante et encore moins de fleurs. C'était impensable et impossible. Il devait y avoir une explication. Pénélope continua son exploration et au détour d'un brin d'herbe aussi épais qu'une brindille, elle tomba sur des graines et des bulbes fort malheureux, tout juste enfoncés dans la terre. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas enfoncé plus profondément ?»« La terre est trop dure et même si nous y arrivions, cet arbre et ces herbes nous empêcheraient de profiter du soleil et d'avoir de l'eau. »« Laissez-moi vous aider !» Pénélope prit délicatement toutes les graines et les bulbes. Elle les amena en bordure du jardin, dans le seul coin que l'arbre ne couvrait pas de son ombre. Elle coupa l'herbe, retourna la terre de ses puissantes griffes pour aménager un endroit où ses protégés pourraient s'épanouir. Des jours durant, elle veilla. Et puis, un matin, des fleurs plus somptueuses les unes que les autres sortirent de terre. Leur doux parfum ne tarda pas à attirer un cortège d'insectes curieux et d'animaux joyeux. La nouvelle fut portée aux quatre vents, et bientôt, le jardin d'herbes folles se transforma en une merveilleuse mosaïque colorée. Cette légende, c'est un tout petit aperçu de tout ce qu'offre l'univers de Dipongo. Si elle t'a donné aussi envie de visiter ce jardin merveilleux et d'y faire pousser des plantes extraordinaires, tout ce que tu as à faire, c'est de demander à tes parents de télécharger sur leur téléphone ou la tablette l'application Dipongo. D-I-P-O-N-G-O. Tu pourras vivre deux aventures avec Edgar gratuitement et en découvrir des tas d'autres en t'abonnant.